Au sport. Dans la Ligue de soccer Benjamin masculine Division 2, Louis-Saint-Laurent affronte le séminaire de Sherbrooke 1 le 4 avril à midi au séminaire de Sherbrooke.